في القرآن وقلنا كما قال المصنف وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فعله وقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. Donc la fois dernière on avait lu ça dans la dernière assise. Lorsqu'on a parlé, et l'auteur a fait allusion aux deux sourates, il a fait la mention des deux sourates protectrices, parmi les plus grandes sourates protectrices, la sourate Al-Falaq et sourate An-Nas. Et donc, on avait appris dans la sourate An-Nas le sens du nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rabb, le Seigneur, ou Al-Malik, ou Al-Ilah. On a vu que dans les versets de la sourate Les Hommes, on dit, dans le premier verset, après le Basmala, on dit Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, comme on avait dit. Donc il est mentionné Rabb, le Seigneur, Malik al-Nas, le souverain absolu des hommes, le roi des hommes, Ilahin Nas. Et on avait expliqué pourquoi l'auteur a cité cela avec le sens de Rabb, ou Al-Malik, ou Al-Ilah. Et donc on a bien appris cela. Et qu'est-ce qu'on a déduit, ou qu'est-ce qu'on a compris? On a compris donc que si dans le premier verset il est cité l'un des immenses et sublimes noms d'Allah, Rabb, ensuite Al-Malik, ensuite Al-Ilah, c'est que les trois noms mentionnés ont un sens indépendant. Chacun a son sens. Chacun a son sens. Donc, Al-Rabb, lahu ma'na, ou Al-Malik, lahu ma'na, ou Al-Ilah, lahu ma'na, a un sens. Et ça, c'est très important de savoir. C'est ça qu'il faut retenir de, aussi de ce qu'on a appris dans les dernières assises. كما قال شارح إفادة المستفيد الشارح إفادة المستفيد قال فرق بين الأسماء الثلاثة فكل اسم له معنى وليس بمعنى واحد كما يقوله من لا علم عنده من لا علم عنده أو من يعاند ويغالط فكل اسم من هذه الأسماء له معنى مستقل وإلا كانت متكررة أو مكررة. L'auteur de Ifadat al-Mustafi, dans son commentaire, il dit si les trois noms sont mentionnés dans ces versets, c'est que chaque nom a un sens indépendant, qui lui convient. Ensuite, l'auteur, comme on l'avait dit, avait fait allusion au fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même fut touché par une forme de sorcellerie, comme on l'avait dit. Et l'auteur, dans le livre, nous dit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par une forme de sorcellerie pendant une quarantaine de jours, pendant 40 jours. Et on avait mentionné dans une riwaya qui est rapportée où il est dit 6 mois. 6 mois, on avait dit c'est dans le sens, le temps, la période. Mais pendant 40 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu les signes de cette sorcellerie pendant 40 jours. Pour cela, l'auteur dit « وَقَامَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ». Les savants disent « ثَبَتَ فِي الصَّحِحْ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمْ سُحِرْ ». Donc ça, c'est confirmé dans les textes authentiques. Dans l'authentique, cela est confirmé. « مَنِ الَّذِي سَحَرَ ». Qui est-ce qui est à la tête ou qui est à la base de cette sorcellerie? Il est dit que c'est l'Abid ibn al-A'sam al-Yahoudi. Al-Yahoudi, al-Labid ibn al-A'sam. C'était un homme qui s'appelait l'Abid ibn al-A'sam. Ibn al-A'sam, il est dit que c'est lui qui est à la tête du sortilège et de la sorcellerie. Et de là, les savants, ils ont dit, regardez, les prophètes et les messagers sont touchés par les mots comme eux-mêmes les hommes sont touchés par ces mots. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un homme. C'était un être humain. Et le prophète lui-même, dans un hadith, il dit « Inni basharun » Comme il dit dans le récit célèbre « Inni basharun ansa kama tansaun fa idha nasitu fa dhakkiruni » Je suis certes un être humain, un homme comme vous. Si j'oublie, rappelez-moi. J'oublie comme vous oubliez. Alors rappelez-moi. Et ça, c'était pour une question de la prière. Donc les prophètes et les messagers sont des hommes comme les autres. Donc ils peuvent tomber malades. Et ils sont touchés par les épreuves de la maladie. Donc les prophètes peuvent être touchés par de la fièvre, par les maux de tête et par d'autres maux, comme la sorcellerie. Sauf que ces maux, ce qu'il faut savoir, dans la croyance du musulman et de la musulmane, ces maux et ces épreuves qui peuvent toucher les prophètes et les messagers n'ont aucune incidence sur la révélation et sur la transmission de la révélation. Ça n'a aucune incidence. C'est pour cela que les prophètes peuvent être touchés par des maladies, comme on l'a dit précédemment, par de la fièvre, par des maux de tête et d'autres maladies. Et aussi par des sortilèges, de la sorcellerie, comme c'est dit, mais en aucun cas, ça a une influence sur la révélation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont infaillibles. Ils sont infaillibles dans ce domaine, le prophète Ansem est infaillible. C'est-à-dire, il est ma'soum. فَهُوَ مَعْصُمْ فِي رِسَالَتِهِ فِي مَا يُبَلِّغْ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنَّمَا أُصِيبَ فِي جِسْمِهِ وَهُوَ يُصَابْ فِي جِسْمِهِ بِالْأَمْرَادِ والجرح وغير ذلك. Et donc, cette sorcellerie n'a pas d'incidence. Pourquoi ? Parce que comme le disent les savants, ils disent que c'est son corps qui a été touché. Comme les maladies, lorsqu'elles touchent, elles touchent le corps. Pour cela, ensuite, ils sont touchés par de la fièvre et d'autres maux qui touchent leur corps. Mais en aucune raison, ça a une incidence sur la révélation. Pourquoi ils sont touchés par ces maux ? Parce que ce sont des hommes, comme on l'a dit précédemment. لِأَنَّهُ بَشَرْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Et le prophète Mohammed était un homme. وَهُنَكَ مِنَ الْمَعْتَزِلَ وَأَشْبَهِ مَنْ يُنْكِرْ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى أَلِهِ وَالسَّلَّمُ مِنَ الْمَعْتَزِلَ وَأَشْبَهُ مَنْ يُنْكِرْ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى أَلِهِ وَالسَّلَّمُ سُحِرْ Et parmi les tendances innovatrices, parmi des fractions qui ont émergé dans les premiers temps, dans les premiers siècles de l'islam, certains qui ont réfuté cela. Ils ont réfuté cette information qui rapportait de sources authentiques que le prophète sallam fut touché et atteint par une forme de sorcellerie. Et entre autres, plus précisément, la tendance, la fraction des Mu'tazilites. Les Mu'tazilites ont réfuté cela. Ils ont dit que le prophète, en réalité, n'a pas été ensorcelé. Chez la croyance des gens de la sunna, ou de la jama'a, eux considèrent que le prophète, en somme, a bien et bien été ensorcelé et touché par ce sihr. Comme il est dit dans le livre, « Wa qama ala zalika arba'ina yawman » et que cela a duré 40 jours. Pourquoi al-Mu'tazila ont nié ce fait ? Et on a bien stipulé que c'est prouvé et confirmé de sources authentiques. Parce que pour eux, ils considèrent que le récit qui rapporte cela, ou cela est confirmé, c'est ce qu'on appelle hadith ou l'ahad. Khabar al-ahad. C'est un récit qui est venu de voies non multiples. Pourquoi ? Parce qu'il y a des récits qui sont venus de voies multiples. Beaucoup et plusieurs compagnons rapportent le récit et rapportent par exemple l'événement si c'est un événement qui est rapporté. Ou bien la parole si c'est une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prière et bénédiction sur lui, qui est rapportée. Ou bien un geste, un fait, si cela est rapporté. Donc parfois, c'est plusieurs compagnons. Vous avez vu dans une chaîne de transmission, il y a ce qu'on appelle at-tabaqat. Une chaîne de transmission. Elle est composée de transmetteurs, de narrateurs. Un tel rapporte d'un tel. Lui-même rapporte de son maître. Il peut rapporter aussi d'un autre. Hein. Parfois, un maître peut rapporter de son disciple ou autre. En tout cas, il y a une chaîne de transmission avec des narrateurs. Donc, il y a en quelque sorte des générations. pour que le récit soit multiple, il faut que chaque tabakat, on va dire chaque rapporteur, chaque génération, il y a un nombre élevé. Après, on ne va pas rentrer dans les spécificités du al-hadith al-mutawatir. Certains rapportent, il faut au minimum 10 personnes, d'autres 15. Al-muhim, il faut une multitude de rapporteurs dans chaque tabakat, comme on appelle, pour qu'il est considéré mutawatir. Et parfois, non. Il peut y avoir, par exemple, un compagnon ou deux compagnons qui le rapportent. Et dans chaque tabakat, ensuite, ça a des appellations. Al-hadith al-mashhur, al-hadith al-aziz, etc. Al-gharib. Donc lorsque c'est un, lorsque c'est deux, dans chaque tabakat, lorsque c'est trois, ça aura une appellation. C'est ce qu'on apprend dans, justement dans Mustalah al-hadith, la terminologie du hadith. Toutes ces spécificités, ces subtilités qui ont des noms, qui ont des appellations. Pourquoi ? Parce que ce sont des terminologies. Al-muhim, lorsque c'est pas rapporté par un nombre multiple de rapporteurs, le khabar, il est ahad. L'information, elle est considérée comme ahad et non mutawatir, rapporté de voix multiples. Alors, ça c'est très important, pourquoi ? Parce que la fraction et la tendance des mu'tazilites, par exemple, à titre d'exemple, eux, dans le domaine de la aqida, du dogme et de la croyance, ils n'acceptent et ne considèrent que les hadiths qui sont rapportés de voix multiples. Il faut que le hadith soit mutawatir. Si le récit n'est pas mutawatir, c'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapporté de voix multiples, il n'est pas mutawatir, comme on l'a dit précédemment, dans le domaine de l'aqida, tout ce qui est confirmé dans l'aqida et toutes les questions relatives à la croyance, ils n'acceptent pas le récit. De sorte, ils ne déduisent pas du récit. Dans la croyance, des gens de la sunna, qadiman wa hadithan, que ce soit dans les premiers siècles anciennement et parmi les savants contemporains, là, parmi les fondamentaux, chez les gens de la sunna, chez les grands savants et grands théologiens qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont restés sur les pas et les traces des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils considèrent aussi bien dans le domaine de la croyance, fil i'tiqad wal aqida ou autre, hadith al-ahad ou le hadith al-mutawatir, qui soit ahad, vous avez vu maintenant on peut rester sur le terme en arabe, qu'il soit rapporté de voix multiples et abondantes, ou bien que le récit ne soit pas rapporté de voix multiples et abondantes, qu'il soit ahad ou bien khabar mutawatir, il est accepté dans le domaine de la croyance et du dogme. Et ça, c'est i'tiqad, ça fait partie des i'tiqad al-sunnati wal-jama'a. Ça fait partie des questions liées au dogme et dont adhèrent les gens de la sunna. Pourquoi ? La raison en est que les grands théologiens spécialisés dans le domaine disent tant que le récit remonte jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tant qu'il est prouvé qu'il est authentique, alors qu'il soit ahad ou bien mutawatir, il est authentique. On ne peut que l'accepter et donc le mettre en pratique parce que le récit est authentique. Par contre, bien sûr, lorsqu'il est rapporté de voix multiples, il est mutawatir. Alors, au niveau de l'authenticité, il y a une intensité d'authenticité, dans le sens, c'est un degré d'authenticité qui est grand. C'est un grand degré d'authenticité. Sauf que même l'ahad, il est authentique. Et du fait que c'est un hadith authentique, tant qu'il est jugé sahih ou hassan, il est bon, alors on l'accepte dans le domaine de la croyance. Vous comprenez ? Et de cela, vous allez comprendre pourquoi le Mu'tazila, par exemple, il n'accepte pas ce fait-là, cet événement-là. Pourquoi ? Parce que le récit qui nous rapporte l'événement qui est rapporté dans les authentiques, il est ahad. Donc, le Mu'tazila dit c'est une question de croyance, donc ils ne prennent pas le récit dans le domaine de la croyance. Vous comprenez ? Et c'est pour cela que, par exemple, il réfute le châtiment de la tombe. Il réfute d'autres choses qui sont liés au domaine de la croyance. Donc si par exemple, ça c'est pour la culture personnelle du musulman et de la musulmane, c'est important de le savoir. Pourquoi ? Parce que parfois vous allez lire des livres et pour comprendre les écrits, pour distinguer entre les écrits, il faut avoir ces notions-là. Soit vous lisez un livre, par exemple, où l'auteur est un savant qui adhère à la croyance et le dogme des gens de la Sunna, et il peut expliquer, par exemple, ces faits-là, au moins on a une connaissance, une culture qui fait qu'on comprend, ou sinon un jour vous pouvez tomber sur un livre où l'auteur du livre, de l'œuvre, est un adhérent à la croyance de l'Atizel. Et donc si vous lisez des passages où il nie des évidences, il y a des négations d'évidence, des choses qui sont prouvées dans des récits authentiques, c'est parce que pour eux le récit il est ahad. Et regardez, comme le dit l'auteur de Ifadat al-Mustafid, regardez ce qu'il dit. Je vous ai résumé, maintenant je vais vous le lire en arabe. Il dit « Hunak min al-Mu'tazila wa ashbah al-Mu'tazila man yunkiru anna nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam suhir wa yakul hada hadithun ahad ala qa'idatihim أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن فهو لا يحتج به عندهم لأنهم لا يحتجون بأحاديث الآحاد وإن صحت ولا يحتجون بها في العقيدة لأنها عندهم تفيد الظن أما عند أهل السنة والجماعة فإنها يحتج بها في العقيدة وفي غيرها وهي تفيد العلم إذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك حديث أنه سحر فهذا حديث صحيح لا شبهة فيه في أنه أصيب في جسمه لا فيما يبلغ عن الله عز وجل لأنه معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما أصيب في جسمه وبدنه كما يصاب بالمرض وغيره فلا تنافي بين كونه معصوما وبين كونه سحر وإلا كان على كلامهم لا يصيبه المرض ولا يموت وهذا باطل لكنهم يعتمدون على عقولهم فقط ولا يعتمدون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. En d'autres termes, ce que je vous ai lu, donc c'est l'explication de l'auteur de Ifadat al-Mustafid dans le commentaire. En résumé, c'est ce qu'on a expliqué précédemment en français. Donc ce qui incombe aux musulmans et à la musulmane, c'est que le texte soit authentique. Une fois qu'il est prouvé et que l'authenticité est prouvée et confirmée, alors nous acceptons le récit et il est bon aussi bien pour le domaine de la croyance, pour le domaine Fadail al-A'mal, pour le domaine du droit, de la jurisprudence et autres. Tant que le récit est authentique, qu'il soit ahad ou bien qu'il soit mutawatir. Thumma qal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a été touché par cette sorcellerie, faja'ahu Jibril. L'ange Jibril, Gabriel alayhi salam, que la paix soit sur lui, est venu à lui. Wa raqahu bi al-mu'awwidhatayn. Et l'ange Jibril, ensuite, a fait ce qu'on appelle ruqya. Donc là, je pense qu'on n'a pas besoin de traduire. Tout le monde connaît le terme ruqya. Et donc, l'ange Jibril, alayhi salam, raqa an-nabi, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, fashafahu Allah. Et Allah lui a accordé guérison. Vous savez avec quoi l'ange Jibril, alayhi salam, a fait ruqya au prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'a lu l'ange Jibril? Qu'est-ce qu'il me répond? Ouais. Arsens, mashallah. Les frères courageux, mashallah. Exactement, c'est ce que sous-entend l'auteur. Exactement. L'ange Jibril, alayhi salam, comme le dit Cheikh ici, dans le Sharh, il dit que Jibril alayhi salam a fait ruqya au prophète avec al-mu'awwidhatayn. Il a utilisé surat al-falaq wa surat al-nas. Et ça, c'est une information qui est immense. C'est immense. C'est l'ange Jibril alayhi salam, l'un des meilleurs anges, l'un des plus proches d'Allah azza wa jal, celui qu'Allah a élu être est choisi pour transmettre sa révélation, qui est venu au meilleur des hommes, qui a fait un ruqya, donc un ruqya c'est confirmé, c'est pas quelque chose de nouveau, l'ange Jibril l'a fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui a été fait un ruqya. Donc c'est quelque chose de légiféré. Sauf qu'ensuite il y a une manière, il y a des règles à observer. Qala wa akhbarahu an mawdi' as-sihr. Donc Allah a guéri le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a informé, le prophète a été informé au sujet de l'endroit du sortilège où se trouvait le sortilège. Wa annahu makhfi fi makan kadha wa kadha. Et que celui-ci était caché, dissimulé à un endroit précis. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fa ba'atha ilayhi Aliyan wa Zubayr wa Ammar radiyallahu ta'ala anhum wa istakhrajuhu min makanihi al-makhfi fihi wa atlafuhu wa shafahu Allah subhanahu wa ta'ala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et donc ça, vous pouvez retrouver cette information qu'ensuite le fait que ce sortilège, cette sorcellerie était cachée, dissimulée à un endroit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information, a été informé de l'endroit. Il a envoyé Ali, son compagnon et cousin et gendre, Ali ibn Abi Talib, il a envoyé aussi Az-Zubayr et il a envoyé Ammar, de grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont retrouvé l'endroit et ils ont sorti ce sortilège, cette sorcellerie. Ouais, la faux. Et ils l'ont détruit. Donc on apprend dans cette histoire aussi le fait, si on trouve un sortilège, de le détruire. Et donc ça prouve la réalité du sihr, que cela est réel. C'est pas quelque chose de non réel. Pourquoi ? Parce que si certaines tendances réfutent le côté réel. Le côté réel, que le sihr soit quelque chose de réel. Et Allah Azza wa Jal l'a guéri. Cette histoire qu'on vient de mentionner, le fait que le prophète il a envoyé Ali ou Zubayr et qu'il ait envoyé Ammar, ça c'est rapporté dans Tafsir al-Qurtubi. Pour ceux qui veulent s'y référer. C'est dans le Tafsir. C'est dans l'exégèse, dans le Tafsir de l'imam al-Qurtubi. Et vous pouvez retrouver cela, les détails de cela, cette information-là, dans l'exégèse et l'interprétation de la sourate al-Falaq. De la sourate al-Falaq. Donc ceux qui peuvent revenir et se référer chez eux, ils ont le Tafsir al-Qurtubi, référez-vous, vous trouverez ce passage-là, comme c'est mentionné dans l'explication de sourate al-Falaq. Taïb. Ce sihr-là, donc on a dit, c'était des nœuds qui étaient noués. Et les nœuds, ils sont noués dans une ficelle. Donc c'était bilkhayt, ou nahwi. Et le sorcier ensuite souffle sur les nœuds, sur cette ficelle et sur les nœuds, avec sa salive. Il va souffler dessus. Ou yesta'in bishayatin. Et donc ensuite, il va revenir, rechercher l'aide des démons et des diables. ويتكون السحر ولهذا جاء في سورة الفلق ومن شر النفاثات. Pour ça, dans la sourate al-Falaq, on demande protection d'Allah Azza wa Jal contre celles qui soufflent sur les nœuds. Contre celles qui soufflent sur les nœuds. أي السواحر وفي العقد أي العقد التي في الخيوط. Donc العقد, vous avez vu, العقد, le thème qui est cité. Min sharri nafathat fi al-uqad. Al-uqad, c'est le pluriel de uqda. Ces nœuds, c'est des nœuds. Fi al-uqad. Ces nœuds-là sur des ficelles. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiqué. Pour ceux qui ont déjà trouvé des. Après, on parle de ça, c'est pas ensuite pour tomber dans un extrême, hein, et dans une psychose. Chercher du sihr partout, essayer de trouver dès qu'on est. On a des petits signes, on est un peu malade, on pense qu'on est en sorcellerie. Non, parce que beaucoup sont dans la psychose. Mais c'est réel, ça existe. Il ne faut pas réfuter cela. Pourquoi ? Parce que c'est confirmé de manière authentique, et dans la vie, on voit la réalité de cela. Nous, Asil. Donc, on continue. Donc, ça, c'était certains détails sur ce qu'on avait appris hier. Ensuite, l'auteur dit, on avait lu la suite. وَتَعَلَّقَتْ الْإِسْتِعَادَةُ فِي أَوَائِلِ الْقُرْآنِ بِإِسْمِ الْإِلَهِ الْكَامِلِ ذِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلْيَا الْمَرْغُوبُ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُعِيذَ عَبْدَهُ الَّذِي يُنَاجِيهِ بِكَلَامِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْحَائِرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُنَاجَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اسْتَحَبَّ أَوْ اسْتُحِبَّ التَّعَلُّقُ بِإِسْمِ الْإِلَهِ في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء ولهذا كان ولهذا كل اسم بعده لا يتهرف إلا به فتقول الله هو السلام المؤمن المهيمن فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. On s'est arrêté là. Il me semble, si vous vous rappelez, on s'est arrêté ici dans la lecture, dans le passage hier. طيب طيب donc dans ce passage l'auteur va nous enseigner parmi les enseignements qu'il y a dans ce passage qu'on vient de lire le fait qu'il nous dit que ce qu'il faut savoir c'est que parmi les choses qu'on a dit qu'on a expliqué dans le cours, il nous a expliqué le nom d'Allah Azzawajal qui est Allah. Et on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala se nomme, notre créateur se nomme Allah. Et lorsqu'on dit Allah, ça englobe, il renferme tout et rassemble tous les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tous les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala suivent ce nom. Mais le nom Allah ne suit pas, mais il est suivi par les autres noms. Mais lui ne suit pas. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on dit Allah, ça rassemble tous les noms sublimes. C'est pour ça que l'auteur a cité à titre d'exemple le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que Allah, comme il dit dans le verset, « Huwa salam al-mu'min » Al-Muhaymin, vous avez vu, As-Salam fait partie des dons sublimes d'Allah. Al-Mu'min, Al-Muhaymin, ça fait partie des dons sublimes d'Allah. Ils sont cités après le nom Allah. Ils suivent. Ils suivent. Mais le nom Allah ne suit pas. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on dit Allah, ça rassemble tous les noms sublimes et les attributs de perfection. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des enseignements qui sont cité ici qu'on dit d'une manière très brève et générale. Lorsque l'auteur dit fil jalalatu tu'arrifu ghayraha wa ghayruha la yu'arrifuha bima'na fa kullu asma' lillahi wa sifati tarja' ila Allah wa huwa al-ism al-a'zam wa hadha al-ism la yusamma bihi ghayr Allah la yusamma bihi ghayr Allah. Et donc, en réalité, le nom Allah est le nom, c'est le plus grand des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'appelle al-ism al-a'zam. Et donc, hadha al-ism la yusamma bihi ghayruh. Et ce nom, Allah, personne ne peut se nommer et s'appeler avec ce nom. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tous les noms sublimes et les attributs de perfection reviennent. Il dit, tarja ila Allah Azza wa Jal, revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on avait fait très important une annotation dans la dernière assise, l'importance du domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'étude de cela. Il faut faire des cercles de silence, de rappel. C'est pour ça que les savants le font sur l'apprentissage des noms d'Allah. Les apprendre et les comprendre. C'est très important. C'est pour cela que certains savants ont même fait des recherches sur les 99 noms. De sortir les 99 noms qu'on connaît, comme l'a si bien fait Cheikh Mohamed ibn Salah al-Uthaymin, fait al-Qawa'id al-Muthla, et d'autres savants aussi. Cheikh al-Uthaymin, dans son œuvre qui est souvent traduite par les règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah, il a fait un recensement dans le Coran, il a sorti tous les noms sublimes d'Allah Azzawajal qui sont dans le Coran. Et il a fait une recherche aussi dans la Sunna du prophète sallam. Et il a sorti tous les noms sublimes d'Allah Azzawajal qui sont confirmés dans des hadiths authentiques. Les hadiths authentiques. Et de ce fait, vous regardez dans son œuvre, le Qawa'id al-Muthla, vous allez voir qu'il y a, si on peut appeler ça comme ça, un chapitre où le cheikh, l'auteur, Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il va mentionner les 99 noms avec toutes les preuves. Il va commencer par le Coran, tous les noms d'Allah Azzawajal qui sont dans le Coran, et ensuite il va citer tous les noms qui sont confirmés dans la Sunna du prophète sallam. Et il y aura là les 99. Et ça, c'est très important. C'est confirmé aussi bien fait le Kitab et la Sunna. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas confirmer, affirmer un nom parmi les noms sublimes d'Allah Azzawajal, si ce n'est que celui-ci soit pris du Coran ou bien de la Sunna authentique, la tradition du prophète sallam authentique. Et vous avez vu, certains savants les ont enseignés, les ont expliqués. Pourquoi? Parce que plus on apprend, on avait dit les noms d'Allah Azzawajal, avec la compréhension, comprendre ces noms-là, plus on connaît notre Créateur, Subhanahu wa Ta'ala. Vous savez, des fois, on s'assoit, on a un petit moment. Des fois, on a un petit moment. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et on se demande, on a un petit moment, on veut lire un livre. On veut étudier une matière, un domaine. Et là, ensuite, on a plein de matières qui nous viennent ou de livres qui nous viennent. Je vais lire tel livre. Ou parfois, je vais lire tel livre. Eh bien, si parfois la personne, il hésite, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il commence par la matière la plus importante et la matière la plus précieuse, qui a de plus de valeur, la plus grande. Comment on la reconnaît? Comment on reconnaît le domaine qui a une valeur incommensurable, qui a la plus grande valeur? Vous savez comment on le reconnaît? On le reconnaît par l'étudier, ce qu'on va étudier dans le domaine étudié. Plus le domaine étudié est précieux, plus la science elle est précieuse. Les savants disent, lorsqu'on étudie les noms d'Allah, on parle du Créateur, on parle d'Allah. Tawhid al-asma wa sifat. Allah, c'est ce qu'on aime le plus. C'est notre bien-aimé, d'un amour d'adoration. Pensez à lui, veut adoration. C'est notre Créateur. Celui qu'on vénère. Al-Azim. L'immense, le majestueux. Subhanahu wa ta'ala, vers qui on va revenir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc le fait d'étudier les noms d'Allah, de parler sur notre Créateur, c'est la plus grande des sciences ou non? C'est le plus grand domaine, parce que le domaine qu'on étudie, c'est la connaissance ma'rifat al-Azim. La connaissance du majestueux, Rabb al-Alamin, celui pour qui on est là aujourd'hui, à ce moment à la mosquée. C'est ça la valeur du monothéisme, c'est ça la valeur de cette croyance, c'est que chaque personne qui vient à la mosquée, chaque personne qui est là, il n'est pas venu pour un tel, il n'est pas venu pour un bien mondain, il n'est pas venu pour un intérêt spécifique, lui il est venu pour son Créateur. Il veut l'agrément de son Créateur. Il est venu prier son Créateur, subhanahu wa ta'ala, fi bayt min buyutillahi azza wa jal, dans une maison parmi les maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les mosquées, le plus important, ce n'est pas l'embellissement de la mosquée, ce qui va se trouver dans la mosquée, mais ce qui est important, c'est de venir pour Allah et venir prier Allah, azza wa jal. Et vous avez vu l'importance de l'intention. Donc plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va se rendre compte de sa grandeur. Vous comprenez pourquoi les prophètes, il est rapporté des récits qui sont incroyables. C'est hors du commun. Imaginez-vous Moussa alayhi salam. Vous avez vu l'histoire de Moussa alayhi salam à la fin, arrivé devant la mer, avec Pharaon derrière. Vous avez vu comment le récit est raconté. C'est l'un des récits le plus répété dans le Coran. Regardez le prophète Moussa alayhi salam. Il n'a eu aucun doute. Il n'arrêtait pas de rappeler à son peuple, alors que eux voyaient que c'était la fin. C'était fini. Pharaon était à leur trousse, il était proche. Ils étaient démunis. Ils n'avaient plus aucun espoir. Mais Moussa alayhi salam n'a jamais douté. Il a donné de l'espoir à son peuple. Jusqu'à ce qu'il s'est produit une chose incroyable, un miracle. La mer s'est ouverte en deux. Ils ont pu passer. Imaginez-vous ce miracle. Moussa alayhi salam n'a jamais douté du secours d'Allah Azza wa Jal. L'histoire de Moïse n'est pas, de Moussa alayhi salam n'est pas relatée que dans le Coran. Elle est relatée dans des livres anciens. L'histoire des prophètes et des messagers est relatée dans des livres anciens. Dans les anciennes écritures aussi. Imaginez-vous Moussa alayhi salam, celui qui n'a aucun doute, qui s'en remet complètement à son Seigneur. Wa kayfala. Et comment il en serait autre? Moussa a parlé à Allah. Moussa, il est nommé le prophète Kalimullah, celui qui a parlé. Allah lui a parlé. Dans le verset, il dit Kallamahu Rabbu. Dans un autre verset, Wa kallamallahu Moussa taklima. Imaginez-vous, un prophète, Allah Azza wa Jal, lui a parlé. Il a entendu Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous la connaissance qu'il avait d'Allah Azza wa Jal, le lien qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi est monté dans le voyage de l'ascension. Il a parlé avec son créateur. Il a parlé avec son créateur subhanahu wa ta'ala. Eux connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, le fait d'étudier le domaine des noms et des attributs, c'est pour ça qu'il y a d'immenses livres et d'œuvres qui ont été écrites sur le sujet, sur l'explication des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que c'est un sujet qui demande de la connaissance et du savoir. Pourquoi? Parce que là, on parle sur le Créateur. Et l'un des plus grands péchés dans l'islam, c'est de parler sur le Créateur sans savoir et sans science. Al-Kalam, Allah biri ilm. Parler sur Allah sans science, c'est l'un des plus grands péchés. C'est pour cela que l'importance d'apprendre le domaine, mais dans des livres authentiques, des œuvres fiables et de confiance. Qala. Donc on continuera sur Tajrid Tawhid dans la prochaine assise de demain, si Allah nous le permet. Et comme on parlait des mosquées, on va apprendre un peu les règles des mosquées. Pourquoi? Parce que vous savez que les mosquées, c'est ce qu'on appelle buyut, buyutullah. Ce sont les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on est dans une mosquée, on est dans une maison parmi les maisons d'Allah, Azza wa Jalla, dans une traduction littérale. Et donc il y a un comportement à adopter. Il y a un comportement à adopter. Et dans ce lieu, il faut craindre le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et si on n'arrive pas à se comporter comme il se doit, fi bayt min buyutillah, comment veut-on se comporter comme il convient dans un autre endroit? Donc il convient pour le croyant, pour la croyante, de connaître la valeur d'une mosquée et de connaître le adab et les comportements à adopter lorsqu'on est fi bayt min buyutillah et les règles. Et ça, c'est des sujets qui sont très importants. Pourquoi? Parce qu'aussi bien pour des gens qui tiennent, par exemple, lorsqu'on dit qu'ils tiennent, pour des responsables de mosquées. Il faut avoir de la connaissance sur le domaine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est responsable d'une mosquée, on dirige le bon fonctionnement d'une mosquée, on est en train de diriger une maison parmi les maisons d'Allah, cependant un lieu de culte. Et donc il faut avoir de la connaissance concernant beaucoup de questions relatives aux mosquées. C'est pour ça que beaucoup de savants ont rédigé des œuvres qu'on appelle mustaqilla, indépendantes concernant les règles des mosquées, al-ahkam, les règles concernant les mosquées. Et ça c'est très important. Ça c'est d'une manière spécifique et d'une manière générale, ceux qui fréquentent la mosquée doivent savoir comment on se comporte dans une maison parmi les maisons d'Allah. Donc on va essayer d'apprendre déjà les mérites de se rendre à la mosquée et aussi les règles et les comportements à adopter à la mosquée. قال العلماء في هذا الباب إن المساجد بيوت الله أحب بقاع الأرض إليه سبحانه وتعالى فيها أنس المؤمنين وراحة قلوبهم. Les savants, premièrement, dans leur appel, ce qu'il faut savoir, c'est que une mosquée, al-masajid, qui est le pluriel de masjid, c'est l'endroit le plus aimé du créateur déjà. L'un des grands rappels qu'il faut se faire, si on se pose la question, quel est l'endroit le plus aimé du créateur, c'est al-masajid. لا إله إلا الله أمر بهذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا Donc concernant le sujet de le masajid, les mosquées. Et faites-moi penser après. Avant qu'on se quitte, je vous cite un hadith. C'est un cadeau, un immense cadeau pour ceux qui sont venus. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter d'être venus. Je vais vous partager un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jugé authentique par des savants. Vous allez voir le mérite. Il y a de nombreux hadiths qui nous mentionnent le mérite. Et il y a un hadith qui mérite vraiment d'être entendu, d'être appris, pour voir vraiment le mérite. Et donc, le fait d'être venu prier, c'est quelque chose déjà d'immense, de grand, mais aussi d'entendre ce hadith qu'on va dire, qu'on va relater, vous allez voir vraiment, ça, c'est une immense nouvelle. D'abord, en ce qui concerne les mosquées, sachez que celui qui se pose la question, quel est l'endroit le plus aimé du Créateur? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé sur cela. Sachez que Jibril lui-même fut interrogé sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé, il a dit Allahu a'lam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Jibril, Jibril aussi n'a pas répondu. Les savants ont déduit de cela l'exemple, le modèle même de ne pas s'aventurer ou répondre sur des questions dont on n'a point la connaissance, l'exemple même en cela de dire la adri, c'est le prophète et non Jibril alayhi salam. Puisque le prophète, lorsqu'il fut posé la question, il a dit la adri. Lorsqu'il posa la question à Jibril alayhi salam, Jibril dit la adri, je vais interroger mon créateur, mon Seigneur. Et il interrogea Allah azza wa jalla. C'est pour ça que les savants, dans une très belle parole, ils disent ta'allam la adri, allamuka hatta tadri. Et un jour, un cheikh qui enseigne dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un spécialiste dans les sciences de jurisprudence. Et ses élèves, il a de nombreux élèves, et ils étudient les épîtres et les œuvres fi ilm al-fiqh, dans le fiqh. Et le cheikh est spécialiste. Et il n'enseigne que ça. Il n'enseigne que cela. Un jour, ses élèves, qui ont beaucoup étudié le fiqh avec lui, ils lui ont demandé une recommandation. Parce que vous savez, hein, arrive un certain moment, ensuite ils sont diplômés, ils ont ensuite fait leur cursus, et ensuite ils reviennent enseigner. Donc beaucoup d'entre eux ensuite deviennent des enseignants. Alors ils ont demandé une nasiha à leur cheikh. Cheikh, as-tu un conseil à nous donner? La première chose qu'on doit faire lorsqu'on enseigne. Awwal shay fi ta'lim, lorsqu'on va enseigner, qu'est-ce que tu nous recommandes? Le cheikh, il a regardé ses élèves. Pourtant, il y a des élèves parmi eux, c'est des élèves de longue date, hein, qui ont des maîtrises dans la jurisprudence. Il leur dit, la première chose que vous apprenez, la première chose aussi que vous enseignez, c'est la adri. Je sais pas. C'est à apprendre à dire je sais pas. Ça, c'est un ilm. Ça, c'est le comportement. La première chose qu'on apprend chez le ulama, c'est la adri. Je sais pas. C'est pour ça que si vous regardez les ignorants, très rarement ils disent la adri. Et si vous observez les savants, souvent ils disent la adri. Alamat al-ulama wa ahl al-ilm. Et ça, c'est quelque chose de valeur. Alors ensuite, dans le récit, nous est dit, l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mosquées. Subhanallah. Allah ensuite a révélé que l'endroit qu'il aime le plus, ce sont le masajid. Et ça, pour le croyant, c'est une information qui est immense. Pour le croyant, l'information, elle est immense. Pourquoi? Parce que fizamen el fitan, en temps de trouble, où il est dur d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce qui est autour de nous mène pas et nous conduit pas et nous influence pas à adorer notre Créateur. Pour cela, le prophète dans un récit dit, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. L'adoration en temps de trouble, c'est comme une émigration vers moi. Celui qui adore Allah Azzawajal en temps de fitan, c'est comme s'il fait le hijra ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc en temps de trouble, le croyant, eh ben, se réfugie. Eh ben, si vous voulez vous réfugier, il n'y a pas un meilleur refuge que la maison d'Allah, la mosquée. Celui qui se réfugie à la mosquée, il va pas trouver un meilleur refuge que celui-ci. Et à un moment donné, le croyant se réfugie pour adorer ce créateur. C'est pour ça qu'un jour, un compagnon, lorsqu'il demanda une recommandation au prophète, sallam, le prophète lui dit, Emsik alayka lisanak, que ta langue, il dit, retiens ta langue, que ta maison te suffise. En temps de trouble, reste chez toi. Wabki ala khatiatik, et pleure tes fautes. Pleure tes péchés. Donc, La mosquée, c'est un endroit immense. Si le prophète nous dit de rejoindre sa demeure, quel est le cas de Al-Masajid? C'est un endroit immense. Quand le Rasulullah s'assam, أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. C'est rapporté par l'imam Muslim. Donc c'est pour cela, à travers ces assises, on parlera des règles concernant les mosquées, parce qu'il faut adopter un comportement. On n'est pas dans n'importe quel endroit. On est fi bayt min buyutillah. Si on n'arrive pas à bien se comporter fi bayt min buyutillah, on a dit, comment on va se comporter mieux lorsqu'on est ailleurs? D'abord, fi bayt min buyutillah. Je vous récite un hadith. Je vous dis tout de suite la traduction du récit. Écoutez bien. C'est un récit qui est immense. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est rapporté par Abu Huraira. Il dit, certes, à la mosquée, il y a des piquets. Certes, à la mosquée, il y a des piquets. Des piquets. Les anges s'assoient avec eux. Les anges, il est dit dans le récit, s'assoient avec eux. S'ils s'absentent, les anges demandent la cause de leur absence. S'ils sont malades, les anges le visitent. S'ils sont malades, les anges le visitent. Et s'ils ont besoin de quelque chose, les anges les aident. Celui qui s'assoit dans la mosquée est dans l'une de ces trois choses. Il a profité à un frère, il a entendu une parole bénéfique, ou bien une miséricorde attendue. Une miséricorde attendue. Ce récit-là, il est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed, c'est le numéro 9424, et il est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayh. Dans l'explication, il est dit, c'est-à-dire, les piquets, c'est les hommes qui sont toujours à la mosquée. Les piquets, ça sous-entend des hommes qui sont toujours à la mosquée. Les anges, ils viennent, ils s'assoient à côté de toi. Subhanallah. Si t'es pas là, ils demandent pour toi. T'es où? Si t'es malade, ils te rendent visite. Si t'as besoin d'aide, ils viennent. Hadith on azim. Et nous, on a besoin de ce genre de récit. Pourquoi? Il y a tellement de problèmes dans la vie, les difficultés de la vie. Nous, on a besoin de se rassurer. On a besoin de se rassurer. Ce hadith-là, imaginez-vous. Imaginez-vous les récits aussi qui disent que lorsqu'on s'assoit à la mosquée pour attendre une prière, entre deux prières, eh ben tout ce temps-là, c'est comme si on est en prière. Subhanallah. Tout ce temps-là, lorsque vous êtes assis, en attendant la prière, vous avez des anges, vous ne le voyez pas, mais il y a des anges qui invoquent pour vous. Les anges qui invoquent pour vous. Donc lorsqu'on entend ça, on remercie Allah, fanahmadullah jalla wa ala, alladhi ja'alana minal muslimin, wa minal ladhina ya'muruna masajid Allah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des gens qui peuplent les mosquées. On parlera dans les règles, la récompense de peupler les mosquées, le fait de faire chaque pas pour aller vers une mosquée, la récompense de cela. Et aussi, n'oubliez pas, on a un frère qui est décédé, rahimahullah, rahmatan wasi'a. C'est un frère qui était enseignant ici à la mosquée. C'est un frère qui était enseignant, qui enseignait ici à la mosquée et aussi ailleurs. C'est un frère qui avait voyagé, mashallah, qui avait étudié l'ilm chez des ulama, chez des savants. À un moment donné, mashallah, il était enseignant. Il a enseigné à la mosquée la langue arabe. Il a enseigné aux grands, aux frères. Il a enseigné aux enfants, mashallah. Le frère s'appelait Youssouf, pour les frères qui le connaissaient. Et il faisait aussi khutab al-jumu'ah. Il faisait aussi les prêches du vendredi. Vous avez pu assister aux prêches du vendredi. Même parfois, il priait quand même. Il faisait le prêche même assis. Il ne pouvait pas le faire debout. Parfois, il s'asseyait et faisait le prêche assis. Qu'Allah le récompense pour tout ça. Qu'Allah lui accorde la miséricorde. Rahimahullahu, rahmatan, wasi'a. Ne pas oublier nos frères. Même si parfois le temps s'est écoulé, il ne faut pas oublier nos frères dans nos invocations, comme ne pas oublier Cheikh Al-Hajj Abdelhadi, l'ancien muezzin de la mosquée. Vous savez, à chaque fois que je prie, bon, c'est comme ça, pas tout le temps, mais souvent quand je prie, et je suis à cet endroit, je pense à lui. L'oubliez pas dans les doigts, même vos parents, ne les oubliez pas, même si vous avez des parents qui sont décédés il y a des années de cela, même s'il y a 30-40 ans, les oubliez pas. Ad-du'a. Faites des du'a pour eux. Abdel Hadi, mashallah, il manquait aucune prière. Toujours fait saf l'awwal. Il ouvrait la mosquée 30, 40 minutes avant. Al-Aven, les matins, il était tout seul la nuit. En été comme en hiver, il était tout seul dans la mosquée. Il récitait le Coran. Voilà, amrun ajib. فنسال الله ان يثبتنا ونسال الله ان يحسن ختامنا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم